Allô, docteur? C'est Roro. Oui, dis donc, voilà pourquoi je téléphone. Allô, docteur? Coupez pas. Je suis avec Marseille. Oui, allô, docteur? Oh, Alfonso? C'est toi, Alfonso? C'est Roro. Alors, dis donc, tout s'est bien passé. J'ai passé la frontière belge. Je vais à Bruxelles, puis avec le billet d'avion, j'apporte le colis, comme tu m'as dit, à New York, à l'adresse que tu m'as indiquée. Tu veux que je te répète l'adresse que tu m'as dit? Non. Ah bon? Non, bon. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Oui, donc il me prend toujours pour un imbécile. Il y a que toi qui peux traverser les frontières, tu me dis tout le temps. Ça, oui, alors, dis donc, voilà pourquoi je t'appelle. C'est allô, allô, Mars, coupez pas. Bon, c'est au sujet des 20 kilos de bicarbonate de soude. Allô, t'entends? Mais pourquoi tu tousses? Mais bicarbonate! Oh, alors c'est téléphone, alors. B comme hippie pourra. I comme interdit de séjour. C comme cam. Tu comprends rien du tout. Il comprend rien ce que je lui dis. T'es stupéfiant, alors. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Alors voilà ce qui se passe, je suis au petit café à côté de la douane, là. Je suis avec les douaniers, là. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Oui. Où il est le bicarbonate? Ah ben, il risque rien. Il est dans les mains du chef douanier, là. Alors dis donc, voilà, voilà pourquoi je t'appelle. Trois fois rien, c'est bénin. Il n'y a pas 20 kilos de bicarbonate, il y a 20 kilos 500 grammes. Alors, il faut payer une surtaxe pour les 500 grammes de 2,50 francs. Le reçu, est-ce que je dois le mettre à mon nom? Ou à ton nom? Alfonso, 235, cours Belzin, Saint-Marseille, deuxième étage, porte gauche. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Eh ben, je vais le payer. Dis-donc. Il y a les douaniers qui rigolent. C'est bien la première fois que je vois rire un douanier, dis-donc. Oui, alors dis-donc, on est en train de boire de la bière, on s'amuse bien. Ils ont analysé le bicarbonate. Alors, t'entends? Pourquoi tu tousses? Ça n'est pas du bicarbonate. C'est du sucre à poudre! Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses plus?